Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Et on débute donc avec ce top 6 des choses que vous retrouverez sur votre téléphone cellulaire très bientôt. Des choses complètement technologiques, pétées, qui nous viennent des films, qui nous viennent du futur. Puis qu'on retrouvera sur nos téléphones très bientôt. On commence au numéro 6 avec les présentations holographiques donc qui seront disponibles très bientôt, dis-je, sur nos téléphones. Présentement, ça se retrouve toujours au prototype, mais on pourrait avoir donc ces projecteurs de ce type Star Wars très bientôt. Ça a été, entre autres... les compagnies Samsung et Infosys ont entre autres déjà rempli des brevets donc pour cette invention de produits holographiques. Bien sûr, ça reste à performer, mais peut-être très bientôt vous pourrez retrouver sur Samsung des projections holographiques. Vous pourrez parler donc à la personne, la voir devant vous comme si elle était là, mais elle sera pas là, ça va être une projection holographique. Donc ce sera disponible très bientôt, ça va être génial. Par la suite, ce qu'on retrouve en numéro 5, c'est la réalité augmentée. Vous savez, la réalité augmentée qui s'en vient de plus en plus, qu'on retrouve déjà à la télé dans certaines émissions, entre autres au football, aux Jeux olympiques, on en a eu droit aussi. C'est lorsqu'on place, admettons, un drapeau sur la glace et qu'on voit les patineurs qui passent par-dessus le drapeau. Mais c'est une réalité augmentée, ce qu'on impose donc un événement ou un élément 3D dans une réalité qu'on voit dans une caméra, bien sûr. Donc, il y a déjà des jeux qui existent. Hein. Vous pouvez prendre, admettons, une boîte de céréales, la pointer devant votre webcam et avec un petit programme qui détecte le signal qui est sur votre boîte de céréales, eh bien, vous avez un jeu en 3D qui apparaît. Vous avez tout simplement à faire bouger les trucs. Il y a des dépliants également qui existent avec des repères donc pour vos caméras qui vont vous faire voir des choses en 3D, entre autres des dépliants de voiture. Si vous voulez voir la voiture dans vos mains, eh bien, vous ouvrez le dépliant devant votre webcam. Vous voyez la fameuse voiture qui roule sur la route, c'est vraiment génial. Donc, c'est ce qu'on retrouvera bientôt dans ces téléphones. Entre autres, il y a une application pour l'iPhone qui s'en vient très bientôt pour la réalité augmentée. Donc, on pourra faire apparaître des petites bébites un peu partout et donc les faire interagir avec la réalité. C'est vraiment génial, cette réalité augmentée qu'on retrouvera bientôt. Au numéro 4, un traducteur universel. Donc, Google a déjà mis sur le marché, non pas mis sur le marché, mais plutôt présenté un brevet avec un traducteur universel qui non seulement ferait une traduction texte, mais également une traduction sonore. Très bientôt. Donc, vous pourrez parler n'importe où dans le monde avec n'importe qui et parler dans votre langue avec cette personne-là et elle vous comprendra puisque ça va traduire aussi. Donc, ça va être génial et on fait allusion à Star Trek, donc avec leur traducteur universel qu'ils avaient à l'époque. Et on sait même qu'avec le iPhone d'Apple, on peut déjà traduire les textes mot pour mot en français, en espagnol, en anglais. Donc, c'est vraiment génial. Ces petites applications qu'on va retrouver dans le futur. Au numéro 3 maintenant de ce top de l'insolite, des 6 choses qu'on retrouvera dans nos téléphones cellulaires bientôt qui nous vient tout simplement de la science-fiction et du futur. Eh bien, en troisième position, dis-je, on retrouve les téléphones flexibles. Et oui, donc des téléphones qu'on va pouvoir bouger allègrement, donc qui seront faits de caoutchouc, de matière synthétique, donc qu'on pourra rouler dans nos poches simplement. Ça va ressembler peut-être à un billet de 20$. Donc vraiment, ça sera très, très, très malléable comme technologie. Et donc, ça s'en vient incessamment dans quelques années. Et vous rappelez donc de ces gros ces téléphones cellulaires qu'on avait à la fin des années 80, début des années 90. Eh bien, là, on est passé au Bluetooth et maintenant, ce sera la montre téléphone. Et oui, donc on va pouvoir placer son téléphone sur son poignet, tout simplement l'ouvrir lorsqu'il sera le temps de parler à quelqu'un et le replacer là, tout simplement, où on aura une petite truc qu'on va pouvoir faire aller à sa guise. Ce sera très malléable et ça va apparaître d'ici quelques temps. On appelle ça le concept morphique dans la téléphonie cellulaire. Ce sera très intéressant à voir. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. C'est quand même une technologie qui va prendre du temps à développer, mais ça s'en vient. Ça s'en vient dans gros max, une vingtaine d'années, on va pouvoir avoir ça. Parce que c'est pas long, 20 ans quand même. Et avec l'avancée des technologies, on dit 20 ans, il faut pratiquement diviser par 4. Dans 5 ans, on va peut-être avoir un premier téléphone flexible, mais il va falloir le payer, ça va coûter cher. Par la suite, au numéro 2 de ce top de l'insolite, donc des choses qu'on va retrouver dans notre téléphone qui est tout simplement sorti de la science-fiction ou du futur. Et on va avoir les scanners médicaux sur nos téléphones, et oui. Je sais pas, vous avez vu la pub à la télé, hein? Genre, vous appelez, vous rentrez un code et vous avez un scanner sur votre téléphone qui vous montre votre main. Bon, scanner ou pas, c'est vrai ou non. non, avec une caméra traditionnelle, c'est assez bizarre, mais bon, ça peut être assez cool, assez intéressant comme programme qui vous fait croire vraiment que vous avez un scanner. Mais il y a déjà des prototypes de téléphones japonais, entre autres le Nokia et le NTT, qui ont des moniteurs pour pouvoir justement voir. Vous pouvez calculer votre poids, vous pouvez calculer votre masse de gras, vous pouvez regarder votre niveau de CO2, les rayons UV et très bientôt donc vous aurez un scanner personnel pour vous dire donc quelle est la nature de vos blessures, si c'est soignable, par quelle façon. Vous pourrez également voir les rayons X, des choses comme ça, ça va être génial. Et au numéro 1, des choses qu'on retrouvera sur nos téléphones cellulaires dans un futur très rapproché qui nous vient de la science-fiction ou du futur, tout simplement. Les cartes d'identité, bien sûr, se retrouvera sur les téléphones cellulaires. Le téléphone cellulaire, comme tel, va devenir probablement une carte d'identité très bientôt. Et là, ça pose problème parce qu'on parle à peu près, on dit d'à peu près d'ici 5 ans, on pourra commencer à faire des paiements avec le téléphone cellulaire, utiliser ça comme porte, comme clé pour rentrer à la maison. Et également, donc, on pourra avoir nos identifications sur le téléphone d'une façon sûre et donc impossible à pirater. Mais il y a un problème qui se pose à ça. Si jamais vous échappez votre téléphone, ici on donne sur le site crack.com, on donne comme idée que vous pourriez l'échapper dans des urinoirs, donc, tout simplement dans la toilette, l'échapper à la toilette, l'échapper en vous lavant les mains. Le téléphone pourrait briser et là, qu'est-ce qui arriverait? Plus d'identité, plus de moyens d'ouvrir la porte, plus de moyens de payer rien. Ce serait pas génial, ça, mais il va falloir créer des téléphones donc qui seront disponibles, qui seront très robuste. Mais ça, ça risque d'arriver éventuellement. Un de ces jours, donc, on aura droit à ces nouvelles technologies donc, qu'on retrouvait dans ce top de l'insolite. Donc, des 6 choses qu'on retrouvera sur nos téléphones cellulaires d'ici peu qui nous viennent de la science-fiction. C'est vraiment « far out », comme on dit en anglais. Hein? N'est-ce pas une belle expression ce matin? Mais c'est vraiment donc incroyable comme technologie et c'est des choses qui s'en viennent très bientôt. Il y a déjà beaucoup de brevets déposés, déjà des premiers essais donc qui se fait et on sait que donc avec les téléphones qui s'en viennent de plus en plus intelligents et de plus en plus concurrentiels, eh bien ça pourrait arriver très bientôt. Bien sûr, pour que le tout se fasse, par contre, l'iPhone devra commencer à faire plus qu'une chose en même temps avec ses applications, mais ça c'est une autre histoire. La pilule du lendemain change de nom pour On s'appelle et on déjeune les matins sur les ondes du 89.1 FM. Rejoignez Simon Fitzbé et ses chroniqueurs pour une revue de l'actualité, le top de l'insolite ainsi que les carrés aux dates. On s'appelle et on déjeune du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.